Traduction Marie-Claire. Quand j'étais au lycée, j'avais une bonne copine. Elle s'appelait Marie-Claire et était une fille très gentille. On s'entendait bien et on ne se disputait jamais. Le seul problème était qu'on ne pouvait pas se voir hors du lycée. Chaque fois que je lui proposais de sortir ensemble, elle déclinait en disant « Je te jure, ce n'est pas ma faute ». Au début, je me suis dit qu'elle avait sans doute un autre petit copain. Mais un jour, elle avouait que ce n'était pas le cas. Si son père n'était pas tellement autoritaire, elle aurait une meilleure vie. Il demandait qu'elle obéisse sans lui contester. Il disait toujours qu'elle devait étudier ou lire. Bien qu'elle ait déjà 18 ans, il n'acceptait jamais son opinion. Il se jugeait un père modèle. Quelques jours après cette conversation, Marie-Claire venait à l'école avec du retard. Elle était très triste. Je lui demandais ce qui était arrivé. Elle répondait que la police était venue le jour précédent et avait arrêté son père. Cet homme modèle, comptable dans une grande entreprise, avait détourné 5 000 francs dans 10 ans.